Bonjour et bienvenue dans cette pause nature. Durant les prochaines minutes, je vais vous inviter à synchroniser votre respiration avec un arbre. Un mouvement simple qui vous permettra de vous ancrer, de ralentir et de vous relier profondément à la nature grâce à votre souffle. Avant de commencer, je vous propose de vous rendre dans un endroit où il y a plusieurs arbres autour de vous. N'hésitez pas à mettre cet audio sur pause pour prendre le temps de vous y rendre. À tout de suite. Vous allez vivre cette expérience debout. Pour commencer, je vous invite à vous placer de manière à voir les arbres autour de vous. Prenez le temps de regarder chacun d'entre eux et laissez votre intuition choisir celui qui vous fera du bien aujourd'hui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais arbre, mais il y en a certainement un qui, par sa forme, sa hauteur, sa couleur, vous attire plus que les autres en ce moment. Une fois que vous l'avez choisi, rapprochez-vous de manière à le voir dans sa globalité, dans son entièreté. Prenez un instant pour l'observer. Sa silhouette, sa présence, ses couleurs. Et laissez votre regard glisser de ses racines vers sa cime. Si les racines ne sont pas apparentes, imaginez-les. Elles sont là, sous la terre. Peut-être qu'elles passent même sous vos pieds, en ce moment. Regardez ses branches. La place qu'il prend dans l'environnement. Ramenez maintenant votre attention vers vous et prenez conscience de votre posture. Offrez-vous un ancrage aussi solide que le sien. N'hésitez pas à réajuster votre posture au besoin. Sentez-vous soutenu, porté par la terre sous vos pieds. De vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, ressentez cette verticalité qui répond à la sienne. Et tout en gardant un contact visuel avec cet arbre, ramenez votre attention doucement vers votre respiration. Votre respiration est naturelle. Ne forcez pas le rythme, ne cherchez pas à la modifier. Laissez votre corps respirer au rythme qui est le sien. Vous allez à présent synchroniser votre respiration avec cet arbre. Nous allons d'abord répéter le mouvement, sans y associer la respiration. Déposez votre regard au pied de cet arbre, puis remontez tranquillement le long du tronc jusqu'à atteindre la cime. Une fois arrivé en haut, on fait le mouvement inverse, de la cime, par le tronc, vers les racines. On va maintenant synchroniser la respiration avec le mouvement. Sur chaque inspiration, votre regard part des racines, remonte le tronc jusqu'à la cime. Et à chaque expiration, laissez le regard redescendre doucement de la cime vers le tronc jusqu'aux racines. Allez-y à votre rythme, ne forcez rien. Prenez le temps d'installer le mouvement. À l'inspiration, racine, tronc, cime. À l'expiration, cime, tronc, racine. Et si votre attention s'égare, revenez simplement à votre souffle. Laissez l'arbre vous guider. Votre souffle est comme un lien en ce moment, un fil invisible entre lui et vous. Peut-être qu'au fur et à mesure, le mouvement ralentit. Peut-être que votre souffle s'allonge, s'approfondit petit à petit. Continuez à respirer tranquillement en synchronisant le mouvement avec votre respiration. À présent, je vous invite à arrêter le mouvement et à ramener votre attention tranquillement vers votre corps, vers votre posture. Sentez vos pieds sur le sol et je vous invite à prendre quelques profondes respirations, des respirations plus amples pour remettre tranquillement votre corps en mouvement. Cette expérience touche à sa fin, mais prenez le temps de marquer la transition. Ne sortez pas trop vite de l'expérience. N'hésitez pas à vous étirer, peut-être en levant vos bras vers le ciel, en les laissant retomber de chaque côté, finalement un peu à l'image de cet arbre devant vous. Si vous le souhaitez, pour prolonger ce moment, vous pouvez peut-être vous approcher de cet arbre, et vous adosser à son tronc, ou encore même vous asseoir à son pied, et vous offrir quelques minutes de contemplation ou de respiration supplémentaire. Merci et à bientôt.